Nous aperçûmes les clochers de Vilna. Je voulus presser le pas afin d'arriver des premiers, mais les vieux chasseurs de la garde que je rencontrai m'en empêchèrent. Ils marchaient en colonne et sur deux rangs, de manière à barrer la route, afin que personne ne passât sans marcher en ordre. On voyait des vieux guerriers ayant des glaçons qui leur pendaient à la barbe et aux moustaches, comprimant leur souffrance pour marcher en ordre. Mais cet ordre que l'on voulait maintenir fut impossible. On se jeta en confusion dans le faubourg. En y entrant, j'aperçus à la porte d'une maison un de mes amis, vélite et officier aux grenadiers, étendu mort. Les grenadiers étaient arrivés une heure avant nous. Beaucoup d'autres tombèrent, en arrivant d'épuisement et de froid. Le faubourg était déjà parsemé de cadavres. On désigna une maison pour notre bataillon, et quoique déjà il s'y trouvait des Badois qui faisaient partie de la garnison, le logement ne fut pas trop petit. Il est vrai qu'un instant après, ils évacuèrent la maison, tant ils avaient peur d'être dévorés par nous. On nous fit une distribution de viande de bœuf. Nous ne fûmes pas assez raisonnables de la réunir pour en faire une soupe. On tombait dessus comme des affamés que nous étions. Chacun la fit cuire ou chauffer comme il put. Quelques-uns la mangèrent crue. Un de mes amis, nommé Poton, gentilhomme breton, vélite et sergent de la même compagnie que moi, attendait avec une impatience marquée qu'on lui donnât son morceau, qui pouvait être d'une demi-livre. Comme il était séparé d'environ deux pas de celui qui coupait, on le lui jeta. Il l'attrapa au vol de ses deux mains, comme un chat aurait fait de ses pattes, le porta à sa bouche et le dévora avec des mouvements convulsifs, malgré tout ce que nous pûmes faire pour l'en empêcher. Il ne voyait plus rien que le morceau qu'il dévorait. Il pouvait être midi lorsque nous arrivâmes. Une heure après, j'entrai en ville afin de voir si je ne trouverais pas de pain et d'eau-de-vie à acheter. Mais presque partout, les portes étaient fermées. Les habitants, quoique nos amis, avaient été épouvantés en voyant 50 à 60 000 dévorants, comme nous étions, dont une partie avait l'air fou et imbécile. Et d'autres, comme des enragés, couraient en frappant à toutes les portes et aux magasins, où l'on ne voulait rien leur donner, ni distribuer, parce que les fournisseurs voulaient que tout se fît en ordre, chose impossible, puisque l'ordre n'existait plus. Comme je voyais qu'il n'était pas possible de se procurer ce dont j'avais besoin, je me décidai à revenir au faubourg, lorsque je m'entendis appeler par mon nom. Je me retourne, et à ma grande surprise, j'aperçois Picard qui me saute au cou et m'embrasse en pleurant de plaisir. Depuis le passage de la Bérézina, deux fois il avait rencontré le régiment, mais on lui avait assuré que j'étais mort ou prisonnier. Il me dit qu'il avait de la farine et qu'il allait la partager avec moi, que pour l'eau-de-vie, il me conduirait chez son juif, où il se faisait fort de m'en avoir, et probablement du pain. Je le priai de m'y conduire en attendant que l'on distribuât des vivres dont j'avais la certitude que l'on aurait, puisque les magasins étaient remplis. Je n'oublierai jamais le singulier effet que produisit sur moi la vue d'une maison habitée. Il me semblait qu'il y avait des années que je n'en avais vu. Picard me fit prendre un peu d'eau-de-vie, que j'eus bien de la peine à avaler. Ensuite, j'en achetai une bouteille pour 20 francs, que je mis précieusement dans ma carnassière. Mais pour du pain, il fallait attendre jusqu'au soir. Il y avait 50 jours que je n'en avais mangé. Il me semblait que j'aurais oublié toute ma misère si j'en avais eu. Le juif me conta que les premiers qui étaient arrivés le matin avaient tout dévoré. Il nous conseilla de ne pas sortir de chez lui, d'attendre et d'y coucher, qu'il se chargeait de nous procurer tout ce dont nous aurions besoin, et d'empêcher que d'autres n'entrent chez lui. D'après son avis, je me décidai à me reposer sur un banc contre le poêle. Je demandai à Picard comment il se faisait qu'il était si bien avec cette famille juive, car je voyais qu'on le traitait comme un enfant de la maison. Il me répondit qu'il s'était fait passer pour le fils d'une juive, qu'il avait, pendant les 15 jours que nous avions restés dans cette ville, au mois de juillet, toujours été avec eux à la synagogue, parce que, à la suite de cela, il y avait toujours quelques coups de schnapps à boire et des noisettes à croquer. Il y avait longtemps que je n'avais ri, mais je ne pus m'empêcher d'éclater, au point que le sang ruissela de mes lèvres. Picard allait continuer à me conter ses fariboles quand tout à coup nous entendons le bruit du canon et nous voyons arriver notre hôte. Il avait l'air tout effaré, ne sachant plus parler. Il finit par nous dire qu'il venait de voir arriver des soldats bavarois suivis par des cosaques, justement par la porte où nous étions arrivés. Effectivement, la garnison de la ville battait la générale. À ce bruit, Picard saisit ses armes et s'avançant près de moi, qui n'était pas très disposé à bouger. « Allons, mon pays, me dit-il en me frappant sur l'épaule, nous sommes de la garde impériale. Il faut être les premiers à courir aux armes. Ensuite, il ne faut pas souffrir que ces sauvages viennent manger le pain qu'on nous a promis pour ce soir. Si vous avez la force, suivez-moi, et allons nous réunir à ceux qui vont charger cette canaille, chose qui ne sera pas difficile. » Je suivis Picard. Quelques hommes couraient pour se réunir sans savoir où, mais un plus grand nombre se retirait du côté opposé où l'on devait se battre, et un plus grand nombre encore, insouciant de tout, ne faisait pas attention à ce qui se passait. Lorsque nous fûmes près de la porte qui conduisait au faubourg, nous rencontrâmes un détachement de grenadiers et chasseurs de la garde. Picard me quitta pour prendre son rang parmi les siens, et comme à la gauche il s'en trouvait quelques-uns de chez nous et une vingtaine d'officiers qui avaient des fusils, je les suivis en marchant comme eux, sans savoir qui nous commandait et où nous allions. L'on gravit la montagne sans ordre, chacun comme il put. Plusieurs tombèrent et restèrent en arrière. Nous étions arrivés aux deux tiers de la montagne, que je m'étonnais d'avoir pu aller jusque-là, lorsque je tombai à mon tour, et quoique aidé par un paysan lituanien, j'eus bien de la peine à me relever. Je priai ce brave homme de ne pas m'abandonner, et pour l'engager à rester avec moi, je lui donnai environ la valeur de 4 francs en monnaie russe et un verre d'eau-de-vie dans le petit vase que je possédais encore. Mon paysan fut tellement content qu'il m'aurait, si j'avais voulu, porté sur son dos. Nous continuâmes à marcher dans un endroit parsemé d'hommes et de chevaux morts, qui le matin avaient, comme l'on dit, péri au port. Beaucoup d'armes se trouvaient à terre. Mon paysan ramassa une carabine et des cartouches en me disant qu'il voulait se battre contre les Russes. Après bien du mal, nous arrivâmes sur le haut de la montagne où les Prussiens étaient déjà en bataille. 200 hommes, dont les 3/4 étaient de la garde, se trouvaient en face d'ennemis qui consistaient en cavalerie, dont une partie était en éclaireur. Et comme les Bavarois avaient, en battant en retraite, laissé quelques hommes sur le haut de la montagne avec 2 pièces de canon, 2 coups chargés à mitraille suffirent pour les faire disparaître. Comme la position n'était pas tenable à cause du froid, nous fîmes demi-tour pour revenir en ville, où le désordre était à son comble. La terreur s'était emparée de la garnison, composée presque entièrement d'étrangers. Les uns se mettaient en disposition de quitter la ville, en chargeant des voitures, des traîneaux, des chevaux. En même temps, l'on entendait crier « Qui a vu mon cheval? Où est ma voiture? Arrêtez donc celui qui se sauve avec mon traîneau !» Ce désordre était particulièrement causé par les bandes de voleurs qui s'étaient organisées au commencement de la retraite, dont j'ai signalé plus haut l'existence, et qui, voyant une bonne occasion, en profitaient pour enlever voitures, chevaux et traîneaux chargés de vivres, d'or et d'argent. Car en grande partie, toutes ces dispositions de départ étaient faites par des commissaires des guerres, des fournisseurs et d'autres employés de l'armée, qui durent dès ce moment faire cause commune avec nous, tandis que les voleurs filaient sur la route de Kovno, certains de ne pas être suivis. En passant dans le faubourg, je ne voulus pas entrer dans la maison où s'étaient logés les débris de notre bataillon. Je voulais entrer en ville pour 2 choses. D'abord pour du pain dont j'étais certain d'avoir avec Picard, et aussi pour que l'on puisse dire que je venais de faire partie de la petite expédition qui venait de chasser les Russes. Mais nous n'étions pas encore sur la place que l'on rompit les rangs, et chacun s'en alla, persuadé que nous ne serions pas longtemps tranquilles. Je courus à la droite pour retrouver Picard, mais à ma grande surprise, l'on me dit qu'il avait pris la première à gauche avec 10 autres grenadiers et chasseurs, commandés par un officier, pour être de garde chez le roi Murat, qui venait de quitter la ville pour aller se loger dans le faubourg, sur la route de Kovno. Je pris le parti de le chercher au logement du roi Murat. Chemin faisant, je passai devant la maison où était logé le maréchal Ney. Devant la porte, plusieurs grenadiers de la ligne de garde se chauffaient à un bon feu, qui me donna une envie de m'approcher pour y prendre part. Voyant comme j'étais malheureux, ils s'empressèrent de me faire place. Plusieurs étaient vigoureux et bien habillés. Comme je leur en témoignais ma surprise, ils me dirent qu'ils n'avaient pas été jusqu'à Moscou, qu'ayant été blessés au siège de Smolensk, on les avait évacués sur Vilna, où ils avaient resté jusqu'à présent, qu'ils étaient guéris et prêts à se battre. Je leur demandai s'ils ne pouvaient me procurer du pain. Ils me dirent, comme le juif, que si je voulais revenir le soir ou rester avec eux, ils étaient certains que j'en aurais. Mais comme il fallut que je retourne au faubourg où était le bataillon, je promis à ces grenadiers que je reviendrais le soir, et que chaque pain de munitions leur serait payé 5 francs. Avant de les quitter, ils me contèrent qu'un instant avant, que je n'arrive près d'eux, un peu après que les Russes s'étaient montrés près de la ville, un général allemand était venu chez le maréchal, en lui conseillant de partir, s'il ne voulait pas être surpris par les Russes. Mais le maréchal lui avait répondu en lui montrant 100 de grenadiers qui se chauffaient dans la cour, qu'avec cela il se moquait de tous les Cosaques de la Russie, et qu'ils coucheraient dans la ville. Je leur demandai combien ils étaient pour la garde du maréchal. « Environ 60, me répondit un tambour assis sur sa caisse, et autant que nous avons trouvé ici, bien portant. Depuis le passage du Dniepner, je suis avec le maréchal, et avec lui, nous savons comment l'on arrange ces chiens de Cosaques. Coquin de Dieu, continua-t-il, s'il ne faisait pas si froid et si je n'avais pas une patte gelée, je voudrais battre la charge demain toute la journée. » Je retournai au faubourg. En entrant dans la maison où nous étions logés, je trouvai tous mes camarades couchés sur le plancher. L'on avait fait du bon feu, il faisait chaud. J'étais plus que fatigué, je fis comme eux, je me couchai. Il pouvait être 2 heures du matin lorsque je m'éveillai, et comme j'avais manqué le rendez-vous donné aux grenadiers de la garde du maréchal, j'annonçai à mes camarades que j'allais entrer en ville pour y chercher du pain, que c'était le bon moment, parce que toute la troupe était couchée et que d'ailleurs j'avais des billets de banque russes. On m'avait assuré que plus loin l'on n'en voudrait plus, et qu'à l'heure qu'il était, je trouverais facilement des juifs ne demandant pas mieux que de faire des échanges. Plusieurs tâchèrent de se lever pour venir avec moi, mais ne le purent. Un seulement bailli, sergent Vélite, se leva, et les autres nous chargèrent de leurs billets, comptant d'en avoir 5 en 2 francs. Nous les avions reçus à Moscou pour 100, qui était leur valeur, 100 roubles. Il faisait un beau clair de lune, mais lorsque nous fûmes sur la rue, il ne s'en fallut pas de beaucoup que nous ne rentrâmes dans la maison, tant le froid était excessif. Jusqu'à la porte de la ville, nous ne rencontrâmes personne. Arrivés à la porte, nous ne vîmes personne pour la garder, pas une sentinelle. Les Russes pouvaient y entrer aussi facilement que nous. Lorsque nous fûmes en face de la première maison sur notre gauche, j'aperçus de la lumière par le soupirail de la cave, et, me baissant, je vis que c'était une boulangerie, et que l'on venait d'y cuire du pain. Depuis que nous nous étions approchés de la maison, l'odeur nous en montait fortement au nez. Mon camarade frappa. Aussitôt, l'on vint demander ce que nous voulions. Nous répondîmes « Ouvrez, nous sommes des généraux ». De suite, l'on ouvrit et nous entrâmes. On nous fit passer dans une grande chambre où nous vîmes beaucoup d'officiers supérieurs étendus à terre. On ne s'inquiéta pas de savoir si nous étions ce que nous nous étions annoncés, car depuis longtemps, l'on avait peine à reconnaître un officier supérieur d'avec un soldat. Une grosse femme se tenait debout contre la porte de la cave. Nous lui demandâmes si elle avait du pain à nous vendre. Elle nous répondit que non, qu'il n'y en avait pas de cuit, et en même temps elle nous offrit de descendre dans la cave, qui était la boulangerie, afin de nous en assurer. Un officier qui était couché sur une botte de paille et enveloppé dans une grande pelisse se leva et descendit avec nous. Nous vîmes 2 garçons boulangers qui dormaient. Nous regardâmes de tous côtés, nous ne vîmes rien. Et nous commencions à croire que cette femme ne nous avait pas trompés, quand tout à coup, en me baissant, j'aperçus sous le pétrin un grand panier que je tirais à moi. À notre grande surprise, nous vîmes qu'il contenait 7 grands pains blancs, de 3 à 4 livres, aussi beaux que ceux que l'on fait à Paris. Quel bonheur ! Quelle trouvaille pour des hommes qui n'en avaient pas mangé depuis 50 jours ! Je commençai par m'emparer de 2, que je mis sous mes bras et sous mon collet. Mon camarade en fit autant, et l'officier prit les 3 autres. Cet officier était Fouché, grenadier Vélite, alors adjudant-major dans un régiment de la Jeune Garde, actuellement maréchal de camp. Nous sortîmes de la cave. La femme était encore debout à la porte. Nous lui dîmes que nous reviendrions le matin, lorsqu'il y aura du pain de cuit. Pour être débarrassée de nous, ne s'apercevant pas de ce que nous emportions, elle nous ouvrit la porte, et nous fûmes dans la rue. Une fois libres, laissant tomber nos fusils dans la neige, nous nous mîmes à mordre dans nos pains comme des voraces. Mais comme j'avais les lèvres toutes fendues, je ne pouvais ouvrir la bouche pour mordre comme je l'aurais voulu. Dans ce moment, nous aperçûmes 2 individus qui nous demandèrent si nous n'avions rien à vendre ou à changer. Nous reconnûmes des Juifs. Je commençai par leur dire que nous avions des billets de banque russe, qu'ils étaient de 100 roubles, et combien ils voulaient en donner. 50, nous dit le premier en allemand. 55, dit l'autre. 60, reprend le premier. Enfin, il finit par nous en offrir 77. Et je mis encore pour condition qu'il nous payerait du café au lait. Il y consentit. Le second vint derrière moi en me disant 80. Mais le marché était arrêté, et comme on nous avait promis du café au lait, nous n'aurions pas voulu, pour 20 francs de plus au billet, faire marché avec d'autres. Le Juif avec qui nous venions de faire affaire nous conduisit chez un banquier, car lui n'était qu'un agent d'affaires. Le banquier était aussi Juif. Lorsque nous y fûmes, on nous demanda nos billets. Nous en avions 9. Pour mon compte, j'en avais 3. Après les avoir donnés, on les regarda minutieusement comme les Juifs regardent. Ensuite, ils passèrent dans une autre chambre. Et nous, en attendant, nous nous assîmes sur un banc où nous pûmes, provisoirement, caresser notre pain. Le juif qui nous avait conduits était resté avec nous, mais un instant après, on le fit passer dans une chambre où était le banquier. Alors nous pensâmes que c'était pour nous remettre notre argent, et nous attendîmes tranquillement. L'envie que nous avions de boire du café nous fit perdre patience. Nous appelâmes le patron, mais personne ne parut. L'idée que l'on voulait nous voler me vint de suite. J'en fis part à mon camarade, qui pensa comme moi. Alors, pour mieux se faire entendre, il donna un grand coup de crosse de fusil contre une espèce de comptoir. Comme personne ne paraissait encore, il redoubla contre une cloison en planche de sapin, qui faisait séparation avec la chambre où étaient nos fripons. Nous les vîmes qui avaient l'air de se concerter. Ayant demandé notre argent, on nous dit d'attendre. Mais mon camarade chargea son arme en présence de toute la bande, et moi je sautai au cou de celui qui nous avait conduits, en lui demandant nos billets. Lorsqu'ils virent que nous étions déterminés à faire quelques scènes qui n'auraient pas tourné à leur avantage, ils s'empressèrent de nous compter notre argent, dont les deux tiers en or. Prenant celui qui nous avait conduits, nous le fîmes sortir avec nous. Lorsque nous fûmes dans la rue, il protesta que tout ce qui venait de se passer n'était pas de sa faute. Nous voulûmes bien le croire en considération du café qu'il nous avait promis. Il nous conduisit chez lui, où il tint parole. Lorsque nous eûmes mangé, mon camarade voulut retourner au faubourg. Mais tant qu'à moi, me trouvant trop fatigué et même malade, je me décidai d'attendre le jour où j'étais, et comme il s'y trouvait deux cavaliers bavarois, je me crus en sûreté. J'avais mis mon argent dans ma ceinture et mon pain dans mon sac. Je me couchai sur un canapé. Il pouvait être 4 heures du matin. Il n'y avait pas une demi-heure que je reposais, lorsque des coliques insupportables me prirent. Je fus forcé de me lever. Après suivirent des maux de cœur, et je rendis tout ce que j'avais dans le corps. Ensuite, j'eus un dérangement qui ne me donna pas un moment de repos, de sorte que je pensais que le juif m'avait empoisonné. Je me crus perdu, car j'étais tellement faible que je ne pus prendre la bouteille à l'eau-de-vie que j'avais dans mon sac. Je priai un des cavaliers bavarois de m'en donner à boire. Après en avoir pris un peu, je me trouvai mieux. Alors je me remis sur le canapé où je m'assoupis. Je ne sais combien de temps je restai dans cette position, mais lorsque je m'éveillai, je trouvai que l'on m'avait enlevé mon pain dans mon sac. Il ne m'en restait plus qu'un morceau, que j'avais mis dans ma carnassière, avec ma bouteille d'eau-de-vie, qui, fort heureusement, était pendue à mon côté. Mon bonnet de rabbin que je mettais sous mon shako avait aussi disparu, ainsi que les cavaliers bavarois. Ce n'était pas cela qui m'inquiétait le plus, mais bien ma position, qui était véritablement critique. Indépendamment de mon dérangement de corps, mon pied droit était gelé et ma plaie s'était ouverte. La première phalange du doigt du milieu de la main droite était prête à tomber. La journée de la veille, avec le froid de 28 degrés, avait tellement envenimé mon pied qu'il me fut impossible de remettre ma botte. Je me vis forcé de l'envelopper de chiffon après l'avoir graissé avec la pommade que l'on m'avait donnée chez le Polonais, et par-dessus tout une peau de mouton que j'attachais avec des cordes. J'en fis autant à la main droite. Je me disposai à sortir lorsque le juif m'engagea à rester. Il me dit qu'il y avait du riz à me vendre. Je lui en achetai une portion, pensant que cela me serait bon pour arrêter le mal. Je le priai de me procurer un vase pour le faire cuire. Il alla me chercher une petite bouilloire en cuivre rouge, que j'attachai sur mon sac avec ma botte. Ensuite, je sortis de la maison, après lui avoir donné 10 francs. Lorsque je fus dans la rue, j'entendis des cris de désespoir. J'aperçus une femme pleurant sur un cadavre à la porte d'une maison. Cette femme m'arrêta pour me dire de la secourir, de lui faire rendre tout ce qu'on lui avait pris. « Depuis hier, me dit-elle, je suis logé dans la maison que vous voyez, chez des scélérats de juifs. Mon mari était fort malade. Pendant la nuit, ils nous ont pris tout ce que nous avions, et ce matin, je suis sorti pour aller me plaindre. Voyant que je ne pouvais avoir de secours de personne, je suis revenu pour soigner mon pauvre mari. Mais lorsque je suis arrivé ici, jugez de mon effroi en voyant à la porte de la maison un cadavre. Ces scélérats avaient profité de ce que j'étais sorti pour l'assassiner. « Monsieur, continua-t-elle, ne m'abandonnez pas, venez avec moi. » Je lui répondis qu'il m'était impossible, mais que ce qu'elle pouvait faire de mieux était de se réunir à ceux qui partaient. Elle me fit signe de la main que c'était impossible, et comme depuis un moment j'entendais des coups de fusil, je laissai cette malheureuse et me dirigeai du côté de Kovno, où j'arrivai au milieu de 10 000 hommes de toutes armes, femmes, enfants se pressant, se poussant afin de passer les premiers. Le hasard me fit rencontrer un capitaine de la jeune garde qui était mon pays. Il était avec son lieutenant, son domestique et un mauvais cheval. Le capitaine n'avait plus de compagnie. Le régiment n'existait plus. Je lui contai mes peines. Il me donna un peu de thé et un morceau de sucre. mais un instant après, une autre masse de monde arriva derrière nous qui nous sépara. À la tête de la première cohue, un tambour battait la marche de retraite, probablement à la tête d'un détachement de la garnison que je n'ai pu voir. Nous marchâmes pendant plus d'une demi-heure. Nous arrivâmes à l'extrémité du faubourg. Alors on commença à respirer, et chacun marcha comme il put. Lorsque je fus hors de la ville, je ne pus m'empêcher de faire des réflexions, en pensant à notre armée qui, 5 mois avant, était entrée dans cette capitale de la Lituanie, nombreuse et fière, et qui en sortait misérable et fugitive.